بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc maintenant notre cours, le cours 14 dans l'explication du livre At-Taqlid fi Daw al-Kitab wa Sunnah wa al-Athar al-Salafiyya. Et je sais qu'habituellement, le dimanche, on devait faire Kitab al-Tawhid avec Aqidat al-Sunnah wa al-Jama'a. Et comme j'expliquais aux frères qu'on va faire un changement par rapport à ça, et que le samedi, Inch'Allah, on va faire Al-Amru bil-Uzumi Jama'at al-Muslimin avec Kitab al-Tawhid, et on va faire le dimanche le Taqlid et Aqidat al-Sunnati wal-Jama'a, comme ça va être plus équilibré. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire Al-Taqlid maintenant, puis arriver vers 6h, 6h10, on va commencer Aqidat al-Sunnah, Inch'Allah. Donc, pour commencer, le sujet dont on va parler aujourd'hui, on est arrivé au chapitre 10 dans le livre de Cheikh Wasiullah Abbas, Al-Taqlid, fi Daw al-Kitab wa Sunnati wa al-Athar al-Salafiyya. Et le titre de ce chapitre, c'est Masawi al-Taqlid wa al-Ta'assub, c'est-à-dire les méfaits et les aspects négatifs du taqlid, du suivi aveugle et du fanatisme. Et donc le cheikh Wasiullah Abbas, hafidhahullah ta'ala, il dit inna at-taqlid yatruku al-insan la yasta'milu 'aqlahu wa la yufakkiru fi ma'ali 'aqidatihi wa a'malihi fiya'malu a'malan la law a'mala fiha 'aqlahu لما عملها فما أصدق قول ابن مسعود رضي الله عنه فما أصدق قول ابن مسعود رضي الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر فإنه لا أسوة في الشر. وقال عبد الله ابن المعتز لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. سبحان الله. Donc le Cheikh Wasiullah Abbas, hafidhahullah, il commence ce chapitre en disant que le taqlid, ça laisse l'être humain ça laisse sans qu'il utilise sa raison. C'est-à-dire l'être humain qui fait le taqlid, ou la personne qui fait le taqlid, c'est comme s'il laissait de côté sa raison et son intelligence. Et il ne réfléchit pas sur les conséquences de sa croyance et de ses actions. Et il fait des actes, s'il avait utilisé son intelligence et sa raison, il ne les aurait jamais faits. Et ça, c'est la réalité. Si tu regardes tous les gens qui font le taqlid, que ce soit parmi les koufars et les mushrikines qui suivent des coutumes et des traditions, des superstitions ou toutes sortes d'autres choses, ou si tu regardes même parmi les musulmans, des gens qui font des pratiques qui sont basées sur le taqlid aveugle et sur les bid'ahs, des choses inventées qui ne sont pas supportées par le Coran et la Sunna. Et quand tu leur demandes pourquoi tu fais ça, ils disent, non mais c'est nos ancêtres, c'est nos parents, c'est nos chouyours qui nous ont dit ça, et eux ils l'ont appris de leurs chouyours et de leurs chouyours, jusqu'au premier innovateur qui a innové leur bid'a. Donc ils s'imaginent qu'ils se tiennent sur quelque chose. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. Ils s'imaginent qu'ils se tiennent sur quelque chose, alors qu'ils se tiennent sur rien. Donc, l'être humain, quand il fait le taqlid, c'est comme s'il mettait son cerveau sur pause. Il met son intelligence sur pause. Et puis, il suit aveuglément. Il met son cerveau sur cruise control. Et puis, il ne réfléchit plus. Il fait juste suivre qu'est-ce que les autres font. Comme un singe. Les singes, c'est eux qui imitent les autres. Et les perroquets qui répètent qu'est-ce que les autres disent sans réfléchir. Et il dit, la parole d'Ibn Mas'ud, comme elle est vraie, Hein? Elle est vraie, sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit, Abdullah ibn Mas'ud, à ce sujet-là? Il a dit que quelqu'un ne suive pas aveuglément une autre personne dans sa religion, au point que s'il croit, eh ben, il croit avec lui. Et s'il rejette la foi, il rejette la foi avec lui. Parce qu'il n'y a pas de bon de modèle ou d'exemple à suivre dans le mal. Il n'y a pas de modèle ou d'exemple à suivre dans le mal. Et une autre parole qui est rapportée par, ou bien selon Abdullah ibn al-Mu'taz, qui a dit, il n'y a pas de différence entre un animal qu'on tire par une corde et un être humain qui fait le taqlid. Il n'y a pas de différence entre un animal qu'on tire par une corde, puis un être humain qui fait le taqlid, qui suit aveuglément les autres. Voyez la bête ou l'animal, par exemple une vache ou un cheval, tu la tires par sa corde ou par sa laisse. Est-ce qu'elle va dire non, je ne veux pas aller par là, je veux aller par là? Non, elle te suit. Hein? Là où tu l'amènes, elle vient. Eh bien, la personne qui fait le taqlid, il n'y a pas de différence avec avec cet animal-là. Hein? Il se laisse amener là où on l'amène, sans réfléchir. Et il dit, وَمَا مَاتَ أَبُو طَالِبْ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا بِتَقْلِيدِ مَنْ حَوْلَهُ وَتَضْلِيلِهِمْ إِيَّاهُ وَكَانَ أَعْقَلُ عُقَلَاءِ الْعَرَبِ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ حُبًّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَصْدُقُ الرَّسُولُ وَكَانَ يُصَدِّقُ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَتِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِالشَّهَادَتَيْنِ روى مسلم عن المسيب ابن حزن أو ابن حزن قال لما حضرت أبا طالب أو لما حضرت أبو طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي ابن أبي أمية نعم وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الله المستعان. Donc le cheikh il explique que Abu Talib, quand il est mort, il est mort sur la religion de Abd al-Muttalib, hein, le grand-père du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abd al-Muttalib, c'était un mouchrik. Donc Abu Talib, c'était un de ses fils. Il est mort sur, c'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort sur le shirk. Hein? Et il dit, la raison pour laquelle il est mort sur la religion d'Abd al-Muttalib, c'est pour rien d'autre que pour le taqlid, à cause du taqlid, à cause du suivi aveugle. Et parce qu'il voulait suivre aveugle ceux qui étaient autour de lui. Hein? Et yani, parce qu'ils l'ont égaré. Alors que c'était un des Arabes parmi les plus intelligents. Et une des personnes qui étaient les plus aimées du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il aimait énormément le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il croyait même en la véracité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa da'wa, il savait que sa da'wa était vraie. Hein? La seule chose, c'est par contre qu'il n'a pas prononcé ash-shahadatayn. Il a refusé de prononcer le témoignage, hein, les deux témoignages. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc il est mort, mushrik. Nasallallahu al-afiyah. Hein? Et il disait dans un poème qui est célèbre à ce sujet, لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لكنت سمحا بذاك مبينا. C'est-à-dire, يعني, j'ai su que la religion de Mohammed, c'est la meilleure religion du monde. Et si ce n'était pas la crainte des gens, hein, des insultes des gens, hein, et les blâmes des gens, j'aurais dit ça ouvertement et clairement. Mais il a peur que qu'est-ce que les gens vont dire de lui. Oh, tu as abandonné la religion de ton père. Tu as abandonné la religion de ton père. C'est la honte, hein? C'est grave. Donc, il a plus peur de ce que les gens vont dire de lui que ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire de lui s'il meurt sur le shirk. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit qu'il a été rapporté par l'imam muslim selon Al-Musayyib ibn Hazan. Il a dit, lorsque Abu Talib, lorsque la mort est arrivée à Abu Talib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu le visiter. Et il a trouvé auprès de lui Abu Jahl et Abdullah ibn Ubay, Abdullah ibn Abi Umayya, ibn al-Mughira. Et alors, à ce moment-là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abu Talib, « Oh, mon oncle, dis la ilaha illallah, c'est-à-dire, dis, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est une parole, je vais témoigner en ta faveur pour cette parole auprès d'Allah, au jour de la résurrection, si tu l'as dit. » Alors, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, les deux étaient à côté de Abu Talib en train de, hein, de faire une contre-da'wa. Hein? Il faisait une contre-da'wa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une da'wa, il appelle au tawhid et à l'islam. Et eux, ils sont là en train de jouer le rôle du shaytan et de le décourager d'accepter le tawhid et de le garder dans le shirk. Alors, ils disent à Abu Talib, est-ce que tu veux quitter la religion de ton père, Abdul Muttalib? Est-ce que tu veux abandonner la religion de ton père, Abdul Muttalib? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a continué de lui présenter, hein, et de lui dire de dire la ilaha illallah. Il lui a répété plusieurs fois jusqu'à ce que la dernière parole qu'il leur dise fut le fait de dire qu'il était sur la religion de Abdul Muttalib. Il a refusé de dire la ilaha illallah. Alors, le cheikh, il dit, « Wa kana taqlidu al-aba sababan lidalali kathirin min aqwami al-anbiya. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَبَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Donc tout ça c'est des exemples que le cheikh a mentionné. Comment beaucoup de peuples auxquels les prophètes avaient été envoyés, eh bien, une des causes, parmi les causes de leur égarement, c'est parce qu'ils ont voulu suivre aveuglément leurs ancêtres et leurs pères. Hein? Et il cite à ce sujet-là plusieurs versets. Et parmi ces versets, le verset 170 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le, il dit qalu, c'est-à-dire ils ont dit, nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. Hein? Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Même si leur père ne réfléchissait pas ou n'utilisait pas leur raison en quoi que ce soit et ils n'étaient pas bien guidés, même s'ils n'étaient pas bien guidés, même s'ils n'utilisaient pas leur raison, vous voulez les suivre quand même? Hein, ça, c'est pas logique. Et le verset 104 dans Sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsqu'on leur dit, venez vers ce que Allah a révélé et vers le messager, ils disent, ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres nous suffit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, ce qui signifie, hein, quoi? Même si leur père ne savait rien et n'était pas bien guidé? Et le verset suivant, c'est le verset 77, pardon, 78, dans Sourate Yunus. 78, dans Sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils ont dit, hein, c'est-à-dire les mushrikines, est-ce que tu es venu pour nous détourner de ce sur quoi nous avons trouvé nos parents comme religion, et pour que vous ayez la puissance sur la terre? Hein, et nous ne croyons pas en vous deux, hein, c'est-à-dire Moussa et Haroun. Donc c'est comme s'ils les accusent dans leurs intentions. Ils disent, vous là, vous êtes en train d'essayer de nous détourner de notre religion et la religion de nos ancêtres, et en plus vous voulez juste avoir le pouvoir et la force. Hein, le pouvoir, c'est pour avoir le pouvoir et pour que tout le monde soit soumis à vous. C'est pour ça que vous êtes en train d'appeler à cette religion-là que vous appelez. Donc, ils les accusent dans leurs intentions, dans leur sincérité. Le verset 5 aussi, le verset 22, pardon, le verset 22 dans Sourate Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie. Et lorsqu'on leur dit, suivez ce que Allah a révélé, ils disent, mais plutôt non, nous allons suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ce qui signifie ensuite, quoi, même si yani, le shaitan les appelle en réalité vers le feu, le châtiment de l'enfer. Et le verset 21 dans Sourate Az-Zukhruf, qui est l'avant-dernier. Ensuite, il y a le verset 23 dans Sourate Az-Zukhruf. 22 et 20, 21, 22 et 23. Ces versets-là dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et nous n'avons envoyé avant toi de messagers dans une ville ou dans un village, excepté, nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers dans une ville quelconque ou dans une cité quelconque. Excepté que les gens extravagants ou les gens riches, les gens qui vivaient dans l'excès dans ces villes-là ou dans ces cités-là, ont dit, nous avons trouvé nos parents sur une religion et nous les suivons, hein, nous suivons leurs traces. Et donc, tout ça, c'est la preuve que ces gens-là, ils se basent uniquement sur le taqlid. Et vous regardez, par exemple, allez voir en Inde, allez voir en Asie, dans les pays où les gens, par exemple, ils adorent des statues et des idoles, et demandez-leur sur quoi ils se basent pour faire ça. Et la grande majorité de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Ils vont vous dire, on adore ces choses-là parce que c'est ça que nos ancêtres adoraient. Hein? Ils vont pas se poser la question ou réfléchir là-dessus. Hein? Et yani, tu vois par exemple qu'ils se prosternent devant des animaux, devant des statues, des images, des idoles. Et tu leur demandes, mais pourquoi vous faites ça? Hein? C'est comme ça que nos ancêtres faisaient. Donc nous, on le fait aussi. Ils réfléchissent pas du tout à savoir pourquoi. Et j'ai regardé des reportages de différents peuples qui vivent dans différentes régions du monde, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, dans la jungle ou des choses comme ça, en Amazonie ou bien des endroits en Afrique, dans la brousse ou des endroits très isolés. Et quand tu écoutes les gens de ces pays-là et tu regardes qu'est-ce qu'ils font, hein, quand ils tuent un animal, ils boivent le sang, et il y a des croyances qu'ils ont par rapport à certaines choses que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas faire, que tu dois faire absolument, ou que si tu fais ça, c'est mauvais, si tu fais ça, c'est pas bon. Et ils ont à ce sujet-là aucune preuve, aucune raison pour justifier leur façon d'agir ou leur comportement ou des choses de ce genre. C'est des choses que souvent, quand tu leur demandes, ils vont dire non, c'est nos croyances, c'est nos coutumes et nos ancêtres, ils faisaient ça, donc nous, on respecte. Et ils ont donc aucun argument pour justifier ça. Et c'était la même chose chez les mouchriquines. Parmi les Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient toutes sortes de superstitions et de croyances et de pratiques. Ils rendaient des choses halal, ils rendaient des choses haram sans aucune preuve venant d'Allah. Hein? Et c'est ça la voie de ces gens-là, le taqlid. Et parmi les musulmans, il y en a malheureusement qui ont suivi la voie de ces gens-là. Hein? Et qui, au nom du taqlid, ils justifient toutes sortes de pratiques et d'agissements qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Hein? Ils prétendent que ça, c'est leur madhab, ou que ça, c'est leur tariqa, ou que ça, c'est leur voie, ou des choses de ce genre. Le cheikh, il dit, « Walid taqlid il-a'ma fid-dini masawi idham wa adha'ima sayyi'ah fama kharajat al-qadariya wa al-shi'ah wal-khawarij illa bit-taqlid wa tarki l-ittiba' وما وجدت مذاهب عقدية أخرى من الاعتزال والأشعرية والماتريدية وغيرها إلا بترك الاتباع والالتزام ما لا يلزم بل لا يجوز بل لا يجوز بل إيجاب ما لم يجبه الله بل بمخالفة أمر الله وكذلك لم يحصل التفرق وكيد بعضهم لبعض في المسلمين إلا بالتعصب لتقليد بعض الأئمة وما وجدت في مدى القرون مذهب أو أحزاب فكرية أخرى إلا بالتقليد والتعصب للأشخاص. Donc le cheikh il dit que le taqlid, le suivi aveugle dans la religion, il amène beaucoup de méfaits, hein? Beaucoup d'aspects négatifs. Et il dit que lorsque tu regardes les Qadariyya, la secte des Qadariyya, ceux qui nient la prédestination, ou la secte des Shia, Rafida, Druze, Nusayriya, l'Ithna'ashriya, et Zaydiya, toutes ces différentes sectes des Shia, de même que les Khawarij, hein, ceux qui sont sortis contre les Sahaba et qui continuent jusqu'à aujourd'hui même de se rebeller tout le temps contre les dirigeants, eh bien ces gens-là ne sont sortis qu'à cause du taqlid, parce qu'ils suivent aveuglément les bid'ahs et les égarements, hein, et qu'ils cessent de suivre, hein, les preuves du Coran et de la Sunna et de la religion. Et il dit, tu ne vas pas trouver une école ou une tendance ou une voie dans la croyance, hein? Que ce soit par exemple, comme il dit, وَمَا وُجِدَتْ مَذَاهِبَ عَقَدِيَّ أُخْرَ مِنَ الْاِعْتِزَالِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ وَغَيْرِهَا إِلَّا بِتَرْكِ الْاتِّبَاعِ وَالْتِزَامِ مَا لَا يَلْزَمْ بَلْ لَا يَجُوزْ وَإِجَابُ مَا لَمْ يُجِبْهُ اللَّهِ بَلْ بِمُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ. Il dit, tu ne vas pas trouver, par exemple, parmi les différentes voies des différentes croyances et les différentes croyances qui sont apparues parmi les sectes comme les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya, hein, qui nient les attributs d'Allah et qui nient le Qadar ou qui affirment toutes sortes d'innovations. Eh bien, tu ne vas pas trouver ça, excepté qu'une des causes, ou parmi les causes qui a amené à la propagation de ces croyances-là, c'est le taqlid. C'est-à-dire de cesser de suivre la sunna et de s'accrocher ou d'imposer ce qui n'est pas imposé, ou même de suivre et de s'accrocher à ce qui n'est pas permis et de rendre obligatoire ce que Allah n'a pas ordonné, même plutôt également de contredire carrément l'ordre d'Allah. Hein? Et donc il dit que de même que tu ne vas pas trouver de division et de ruse entre les musulmans les uns contre les autres, excepté à cause du fanatisme religieux qui est basé sur justement le suivi aveugle de certains d'entre les imams. Et il dit, et tu vas voir que on n'a jamais trouvé à travers les siècles, que ce soit dans les écoles ou les partis ou les groupes idéologiques, hein, tu ne vas pas trouver de fanatisme, excepté lorsque les gens de ces écoles-là ou de ces tendances-là sont accrochés fanatiquement à des individus et qu'ils les suivent aveuglément. Après, il dit, وَمِنْ قَبَائِحِ التَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِي. Et ça va revenir plusieurs fois dans ce chapitre, parce que c'est un des plus longs chapitres du livre, les méfaits du taqlid. À chaque exemple qu'il va donner, il va dire, et parmi les méfaits. Donc il y a à peu près 8 points où il mentionne cette phrase, parmi les méfaits. Donc ça veut dire 9 à peu près en tout. Il dit, وَمِنْ قَبَائِحِ التَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِي التَّفَرُّقُ وَالتَّحَزُّبُ كُلٌّ يُوَالِي وَيُعَادِي لِحِزْبِهِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالتَّآلُفِ وَالْوَحْدَةِ وَعَدَمِ التَّفَرُّقِ وَقَالَ تَعَالَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَمِنْ أَسْوَأِ مَا حَصَلَ نَتِيجَةً لِلتَّفَرُّقِ أَنْ لَا يُجِيزَ بَعْضَ الْمَذْهَبِيِّينَ نِكَاحَ الْمُخَالِفِ مَعَ الْمُخَالِفَةِ لِمَذْهَبِهِ وَبِالْعَكْسِ وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ تَنْزِيلًا لِلْمَرْأَةِ مَنْزِلَةَ الْكِتَابِيَّةِ وَأَنْ لَا يُجِيزَ بَعْضُهُمْ الصَّلَاةَ وَرَاءَ الْمُخَالِفِ فِي الْمَذْهَبِ. الله المستعان. Il dit, parmi les effets très laids qui découlent du fanatisme envers les madhahib, envers les écoles de fiqh et envers les différents madhhab, il y a comme conséquence de ça la division et le fait de se séparer en groupe et en partie, chacun prenant pour alliés ceux qui sont dans leur groupe et détestant ceux qui ne sont pas avec eux. Donc ils s'aiment et ils se détestent par rapport au groupe, alors qu'ils sont musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a ordonné de rester unis et d'être un seul groupe. Il nous a interdit de nous diviser. Et il cite le verset 103 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. C'est-à-dire, cramponnez-vous tous au câble d'Allah ensemble et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. Donc, l'interdiction de la division. Et ça, c'est clair dans l'islam. On n'a pas le droit de se diviser. En particulier dans la croyance et en particulier dans la méthodologie. On doit tous rester accrochés, hein, au fondement de l'islam. Et on n'a pas le droit de se diviser dans la religion. Après, le cheikh, il dit, et parmi les plus mauvaises choses qui sont découlées ou qui ont existé comme résultat de la division, hein, eh bien, c'est que certains parmi les savants de certains madhab ont interdit, hein, aux gens de ce madhab-là d'épouser une femme d'un madhab opposé, et vice-versa. C'est-à-dire, par exemple, certains fuqaha, certains savants de fiqh dans un madhab, ils ont dit, il est interdit pour un hanafi, par exemple, d'épouser une femme shafi'iyya, ou il est interdit pour une femme shafi'iyya d'épouser un homme hanafi, par exemple. Hein? Et certains l'ont permis en comparant la femme du madhab opposé aux femmes des gens du livre. C'est-à-dire, ils vont dire, le Hanafi a le droit d'épouser une Shafi'iyya, mais un Shafi'i n'a pas le droit d'épouser une Hanafiyya. Comme si il compare les Shafi'is, il les compare, par exemple, aux gens du livre. Donc, on a le droit d'épouser leurs femmes, mais nos femmes n'ont pas le droit d'épouser leurs hommes. Ça, c'est grave. Hein? Alors qu'on est tous les deux des musulmans. Comment on peut faire des comparaisons pareilles? Et certains, même parmi les fuqaha de certains madhahib, ont interdit aux gens de leur madhab de prier derrière les imams d'un madhab opposé. Donc, qu'est-ce que ça crée, ça, comme conséquence? Ça crée de la division et de la fitna, et du fanatisme. Et il donne des exemples. Il dit, « Qala ibn al-Hammam, qala Abu al-Yusr, iqtida'u al-Hanafi ou al-Shafi'i ghayru ja'iz. » لما روى مكحول النسفي في كتاب له سماه الشعاع أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسد بناء على أنه عمل كثير ومنهم من قيد جواز الاقتداء بهم كقاضي خان بأن لا يكون متعصبا ولا شاكا في إيمانه ويحتاط في موضع الخلاف. Donc il dit ici, il cite la parole de Abu Hammam dans Fath al-Qadir. Il dit que Abu al-Yusr, un des savants des Ahnaf, il a dit, c'est pas permis pour un Hanafi de suivre un Shafi'i dans la prière, un imam Shafi'i dans la prière, parce que il a été rapporté par Makhoul al-Nasafi dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Shi'a' que le fait de lever les mains dans la salat après le recours et lorsqu'on se au moment du recours et lorsqu'on se relève du recours, ça annule la prière parce que c'est un mouvement excessif. Alors que ça fait partie de la sunna, de lever les mains avant le recours et après le recours. Lui, eux, ils disent ça annule la prière parce que c'est un mouvement excessif. Et en se basant là-dessus, donc, ils considèrent que tu ne peux pas prier derrière. Et certains parmi eux ont dit, c'est permis seulement à condition que ce ne soit pas un fanatique qui a des doutes dans sa foi. Hein? Et ça, c'est un de leurs juges qui s'appelle Qadi Khan. Donc ça, c'est pour dire, yani, Allah al-Musta'an, comment les gens sont arrivés à ce point fanatique pour interdire à un musulman de prier derrière un imam d'un autre madhab, alors que les deux madhahib sont des madhahib de Ahl-Sunnah. Allah al-Musta'an. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a parlé de ça. Et il a critiqué cette situation-là. Il a dit, « قال ابن القيم, إنه قال صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهذا ذم للمختلفين وتحذيرهم من سلوك سبيلهم وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله وهم الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه وتضم فيه من خالفها وما ولا يرون العمل لقولهم حتى كأنهم ملة أخرى يعني كأنهم ملة أخرى سواها يعني يبدأون ويكدحون في الرد عليهم ويقولون كتبهم وكتبنا وأئمتهم وأئمتنا ومذهبهم ومذهبنا، وهذا النبي واحد، وهذا والنبي واحد، هذا والنبي واحد، والقرآن واحد، والدين واحد، والرب واحد. فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم، كل بينهم كلهم، وأن لا يطيعوا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلوا معه من تكون أقواله كنصوصه، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله، وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة، لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض، وإن لم يعدم من الأرض. Il dit le cheikh ici que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a parlé du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il mentionne que celui qui vit après moi, c'est le hadith de Al-Arbad ibn Sariya, un hadith célèbre, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Il dit le cheikh que ça c'est un blâme des gens qui divergent. Et une mise en garde contre le fait de suivre leur chemin, le chemin de la divergence. Et il dit que si des gens ont divergé, c'est uniquement si les gens ont divergé et que la divergence a pris des mesures ou des proportions démesurées, si on veut, eh bien c'est à cause du taqlid. À cause du suivi aveugle et des gens qui sont dans le taqlid. Et il dit, ce sont eux qui ont divisé la religion et qui ont fait que les musulmans deviennent comme des sectes. Chaque groupe défendant celui qu'ils suivent et appelant à celui qu'ils suivent et blâmant ceux qui les contredisent. Et ils ne voient pas que... Ils ne voient pas qu'on puisse agir selon leur position, comme si c'était une religion différente. Et quand ils voient les autres madhahib, c'est comme si ils les voient comme étant des gens d'une religion autre. Et ils les voient comme si il faut les réfuter. Ils disent nos livres et leurs livres, nos imams et leurs imams, notre madhab et leur madhab. Alors que notre prophète est unique, un seul prophète. Notre Coran est un seul Coran. Notre religion, c'est une seule religion. Et notre Seigneur, c'est un seul Seigneur. Alors il dit l'obligation pour le tous, pour tous les musulmans, c'est de se soumettre à la parole commune, de revenir à une parole commune et de se soumettre à une parole commune tous ensemble. Et de n'obéir qu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et de ne pas prendre avec lui aucune parole comme étant un texte révélé, excepté la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que souvent, les gens, ils prennent la parole de leur imam comme si c'était un verset de Coran, ou comme si c'était un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le cheikh, il dit... ولا يتخذ بعضهم بعضا من اربابا من دون الله. Ils ne doivent pas, on ne doit pas se prendre, ou ils ne doivent pas se prendre les uns les autres des seigneurs en dehors d'Allah. Il dit, et si leurs paroles étaient réunies sur ce principe-là, et que chacun d'entre eux était soumis au Coran et à la Sunna, et à celui qui les invite à revenir au jugement d'Allah et de son messager, et qu'ils revenaient tous à la Sunna et aux narrations des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait moins de divergences. Il dit même s'il n'est pas possible qu'il n'y en ait pas du tout, c'est-à-dire c'est pas possible qu'il n'y ait pas aucune divergence du tout, mais au moins il y en aurait moins. Donc, ensuite, il dit, Donc ça, c'est la fin de la citation de Ibn al-Qayyim dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Ensuite, le cheikh, il donne une autre citation ici, et c'est la citation de cheikh Mohammed Hayat al-Sindi, un des ulama de Médine. Un des ulama de Médine, le cheikh Mohammed Hayat al-Sindi. On dit que, si je ne me trompe pas, c'était même un des ulama qui ont enseigné au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, hein, cheikh Mohammed Hayat al-Sindi. Al-Hanafi. Hein? Il dit, à la base, il était Hanafi. Il dit, « وَأَمَّا مَا أَحْدَثَهُ أَهْلُ زَمَانِنَا مِنَ الْإِلْتِزَامِ مَذَاهِبَ مَخْصُوصَةٍ لَا يَرَى وَلَا يَجُوزُ كُلٌّ مِّنْهُمْ الْإِنْتِقَالِ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ فَجَهْلٌ وَبِدْعَةٌ وَتَعَسُّفٌ وَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ يَتْرُكُونَ الْأَحَادِيثَ السِّحَاحَ غير المنسوخة ويتعلقون بمذاهبهم في غير سند إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc le cheikh Hayat al-Sindi, cheikh Mohammed Hayat al-Sindi, rahimahullah, il dit dans son livre Iqaz Himam Ulil Absar, ou bien c'est cité du livre Iqaz Himam Ulil Absar, hein, que le cheikh Mohammed Hayat al-Sindi a dit: ce que les gens de notre époque ont inventé, de rester accroché à des madhahib, hein, le pluriel du mot madhahib, particulier, et qu'ils considèrent qu'il n'est pas permis, hein, de changer d'un madhab à un autre. Il dit ça, c'est de l'ignorance, c'est de la bid'a, hein, et c'est malheureux. Il dit, nous avons vu que certains d'entre eux, ils laissent même les ahadiths authentiques, qui ne sont pas abrogés, et ils préfèrent s'accrocher à leur madhab qui n'est même pas basé sur une chaîne de transmission. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire, c'est d'Allah que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Et en parlant justement du fait de changer d'un madhab à un autre, il n'y a rien dans l'islam qui nous interdit de changer d'un madhab à un autre. Hein? Du moment qu'on se base sur le fait de suivre la preuve et de suivre qu'est-ce qui est basé sur la vérité, le Coran et la Sunna. Et combien d'imams, parmi les imams d'Ahl Sunna, ont adopté un madhab au début, puis ils ont changé vers un autre. Et ça n'a jamais été considéré comme étant un blâme ou un changement de religion. Hein? C'est seulement les Rafidah, Shia, qui considèrent que si, parce que souvent vous allez entendre par exemple que certains chiites, certains rafidah, ils disent, quand ils parlent avec des gens de la sunna pour les tromper, non, il n'y a pas de divergence entre nous, c'est juste un madhab comme les madhahib. C'est-à-dire, ils disent que le madhab des chiites, ils disent, vous avez le madhab de Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, ils disent, les chiites c'est la même chose, c'est juste un madhab parmi les madhahib. Et ça, c'est totalement faux. Parce que les quatre madhahib d'Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, ces quatre-là, ils sont tous d'accord sur le fait que les khulafa, c'est Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum. Et ils sont tous d'accord sur la aqida, hein, d'affirmer les noms et les attributs d'Allah. Et ils sont tous d'accord sur les fondements d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, parce que c'est les imams d'Ahl al-Sunnah. Tandis que les Shia, est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Pas du tout. Les Shia, pour eux, le khalifa, le seul qui est légitime et qui devait prendre le pouvoir, c'est Ali radiallahu anhu. Ils considèrent que tous les autres sont des kuffars. Hein? Donc, comment vous pouvez prétendre que le madhab des Rafidah, c'est un madhab comme les quatre madhab de Ahl al-Sunnah? Ça, c'est un mensonge. Hein? Et ils prétendent qu'ils sont un cinquième madhab, le madhab al-Ja'fari. Hein? Alors qu'on sait très bien que Ja'far al-Sadiq, déjà lui-même, rahimahullah, il n'était pas Rafidi. Hein? Il faisait partie des ulama d'Ahl al-Sunnah aussi. Et en même temps, On sait qu'il n'y a pas seulement quatre imams à la base, il y a beaucoup plus que ça. Il y a des centaines d'imams parmi les imams d'Ahl Sunnah. Mais l'important, c'est que leur méthodologie et leur fondement dans la aqida sont les mêmes, la aqida de Ahl Sunnah. Tandis que les imams des Rafida, et les gens en lesquels les Rafida prétendent suivre, leur aqida, elle est contraire à la aqida des gens d'Ahl Sunnah. Hein? Bien entendu, comme on dit, eux, ils prétendent que leur imam, c'est Ali, radiallahu anhu, et Al-Hassan ou Al-Hussein, et les descendants de Ahlul Bayt, alors qu'en réalité, quand tu regardes bien comme il faut, tu vois très bien que Fatima, radiallahu anha, et Ali, et Al-Hassan ou Al-Hussein, radiallahu anhum, ils étaient eux aussi parmi les Sahaba et parmi les gens d'Ahl Sunnah. Ils n'ont jamais été parmi les Rafida ou parmi les Shia. Même que Ali, radiallahu anhu, il a fait brûler vivant des gens qui faisaient partie des Shia et qui exagéraient à son sujet. Il les a fait brûler vivants. Donc, tellement il a trouvé que leur attitude était grave. Hein? Et en même temps, on regarde parmi les ulama de Ahl Sunnah et on trouve que parmi eux, il y en a qui étaient sur un madhab et qui ont changé de madhab vers un autre. Et on voit comme, par exemple, de ça, l'imam al-Tahawi. Hein? L'imam al-Tahawi, il est né en Égypte. Hein? Il est né en Égypte dans une ville qui s'appelle Taha. C'est pour ça qu'on l'appelle Tahawi. Hein? C'est une ville parmi les villes de la campagne de l'Égypte, hein? Minas Sa'id. Et il dit que parmi les choses qui ont été mentionnées à propos de sa biographie, il est né en 239. L'imam al-Tahawi, il est né en 239. Et il est mort en 321. 321 de la Hijra. Et l'imam al-Tahawi, il est né dans une maison de science et de bien et de mérite. Et son père faisait partie des hommes de science aussi. Hein? Sa mère, elle est calculée, elle est comptée comme étant ou comme faisant partie des compagnons de Shafi'i, parmi ceux qui assistaient à ses durus. Il y a la mère de l'imam, al-Tahawi. Et l'imam, l'imam al-Tahawi, son oncle maternel, c'est-à-dire le frère de sa mère, c'est l'imam al-Muzani. L'oncle maternel de l'imam al-Tahawi, c'est l'imam al-Muzani. Et l'imam al-Muzani, c'est qui? C'est un des plus savants parmi les compagnons de l'imam al-Shafi'i. Un des plus savants parmi les compagnons de l'imam al-Shafi'i. Il est connu. Il a même une aqida, un livre, sa aqida, il l'a écrit et elle existe, elle est publiée même. Il y a même les ulama de la Sunna qui ont fait des shuruh et des clarifications de cette aqida qui est calculée et comptée comme étant ou comme faisant partie des aqidas d'Ahl Sunna. L'imam al-Muzani, il est connu. Il fait partie des imams d'Ahl Sunna. Ce qui prouve que l'imam al-Shafi'i, c'était un salafi lui aussi. Et l'imam al-Muzani, c'est un salafi lui aussi. Contrairement à ceux par la suite qui se disent Shafi'i, comme aujourd'hui, il y a des gens qui se disent Shafi'i, qui sont Asha'ira dans l'aqida, et contredisent l'aqida de l'imam al-Shafi'i. Ala kulli hal, pour dire que si il est né dans une maison dans laquelle tout le monde était Shafi'i, comment est-il devenu Hanafi, l'imam al-Tahawi, comment il est devenu Hanafi? Eh bien, on dit par rapport à ce changement de son madhhab, c'est qu'en réalité, l'imam al-Tahawi, il était parmi les mujtahidin. Il a atteint un degré d'ijtihad. Et il a changé du madhhab al-Shafi'i vers le madhhab al-Hanafi dans le but de. Parce qu'il était plus convaincu par ses arguments, par les arguments et les preuves du madhhab al-Hanafi. Donc il dit que il a constaté que son oncle, hein, al-Muzani, il lisait constamment les livres de Abu Hanifa et il observait et il méditait tout le temps sur ces livres-là. Et il a été influencé et affecté par ces livres-là. Hein? Et un jour, Mohammed ibn Ahmad al-Shuruti, il lui a posé la question, « Lima khalafta madhaba khalik, wa akhtarta madhaba abi hanifa ?» فقال لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه. Il dit, pourquoi as-tu contredit le madhhab de ton oncle maternel et pourquoi as-tu choisi le madhhab de Abu Hanifa? Il a dit parce que j'observais constamment mon oncle qui méditait et analysait les livres de Abu Hanifa et c'est pour ça que j'ai changé. Il n'y a personne qui a blâmé ce alim ou ce savant d'avoir quitté le madhab al-Shafi'i pour le madhab al-Hanafi. Et lorsqu'un musulman passe d'un madhab à un autre, hein, pas par fanatisme, mais uniquement parce qu'il considère ou il trouve que les preuves de ce madhab-là sont plus convaincantes et plus fortes pour lui, il n'y a personne qui le blâme pour ça. Et il n'a pas besoin de refaire une shahada, contrairement aux shi'a. Hein? Vous savez, si un musulman d'Ahl-Sunnah, il déciderait de devenir shi'i, il faut qu'il refasse une shahada. Parce que pour eux, ils considèrent que les musulmans d'Ahl-Sunnah sont des kuffars. Les rafidahs considèrent les musulmans kuffars. Donc, s'ils voient que quelqu'un veut rentrer dans leur secte, pour eux, ils considèrent qu'il est kafir, il faut qu'il refasse une shahada. Et la shahada des shi'a, elle n'est pas la même que la shahada d'Ahl-Sunnah et des musulmans en général. Parce qu'eux, ils ont rajouté dedans Ali, dans leur témoignage, dans la shahada. Ils ont rajouté Ali, radiyallahu anhu. Ça, c'est une bid'a encore. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le sheikh, il explique, il dit... المسجلات العلمية التي كانت تقع بمرأة منه ومسمع بين كبار أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة والتصانيف التي ألفت في كلا المذهبين وفيها رد كل طرف على الآخر في المسائل المختلفة فيها فقد ألف المزني كتاب المختصر ورد فيه على أبي حنيفة في جملة مسائل فانبرى له القاضي بكار ابن قتيبة فألف كتابا في الرد عليه والشيوخ الذين كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة ممن ورد إلى مصر والشام لتولي منصب القضاء كالقاضي بكار ابن قتيبة وابن أبي عمران وأبي خازم كل هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفطري وحصيلته العلمية المتنوعة ونزوعه إلى مرتبة الاجتهاد دفعته إلى التعمق في دراسة المذهبين إلى آخره. Après, c'est-à-dire, il explique que parmi les choses qui ont fait qu'il a changé de madhhab d'un madhhab à l'autre, c'est toutes les choses dont il a été témoin. Les échanges qui ont eu lieu entre les grands savants des deux madhhabs et les livres qui ont été écrits des réfutations des savants d'un madhhab contre les savants de l'autre. Et toutes ces raisons-là, ça ont été parmi les raisons qui ont, disons, justifié son changement de madhhab. Il dit ensuite également que son changement de madhhab n'a pas été pour du fanatisme, hein, basé sur du fanatisme ou du ta'assub. Il dit « Lam yakun fi intiqali Abi Ja'far min madhhabin ila akhar ma yad'u ila l'istighrab wa l'istinkar faqad tahawwala ghayru wahidin min ahli l'ilm mimman taqaddamahu » Ah oui, aussi le point qui est intéressant ici, c'est qu'il mentionne que personne n'a condamné ou a critiqué le fait qu'il ait changé de madhhab. Puisque d'autres imams avant lui l'ont précédé à ça. Il y a beaucoup d'autres imams parmi les ulama qui ont été dans un madhab puis qui ont changé vers un madhab différent. Parmi les exemples de ulama que j'ai lus par rapport à ça, l'imam Ibn Abdel Barr, Abu Yusuf Al-Andalusi, on dit qu'il était maliki, puis qu'il est devenu shafi'i par la suite. Ou qu'il était intéressé par le madhab shafi'i. Et également, parmi les exemples de ça, l'imam Abdul Qadir Al-Jilani. Il n'était pas hanbali à la base, puis par la suite, il a accepté le madhab al-hanbali, ou il a suivi le madhab al-hanbali. Donc, une des raisons pour laquelle il a adopté ce madhab, c'était pour le supporter, parce que il n'y avait pas beaucoup de savants de ce madhab là dans sa région ou quelque chose comme ça. Donc ça faisait partie des exemples que j'ai lus à ce sujet. Et il n'y a personne qui a reproché quoi que ce soit à ces savants là pour avoir fait ce changement de madhab. Ensuite il dit فقد تحول غير واحد من أهل العلم ممن تقدمه أو كان في عصره من مذهب إلى مذهب آخر من غير نكير عليهم من علماء عصرهم فمعظم أصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر كانوا من أتباع الإمام مالك وفيهم من هو من شيوخ البخاري من شيوخ الطحاوي لأن صنيعهم هذا لم يكن بدافع العصبية أو التقليد وإنما أو المنافسة وإنما كان عن دليل واقتناع وتبصر. Il dit la plupart des gens de l'Égypte à l'époque de Al-Tahawi, ils étaient sur le madhab de l'imam Malik auparavant, jusqu'à ce que l'imam Al-Shafi'i vienne étudier là-bas. Hein? Et ils ont adopté le madhab Al-Shafi'i par la suite. Et il dit qu'ils n'ont pas adopté ce madhab-là par taqlid, par suivi aveugle, ou par compétition, ou par fanatisme, non. Mais parce qu'ils ont été convaincus, et parce qu'ils ont bien compris, et ils ont voulu suivre ça avec preuve. Hein? Après, il dit, « Wa qala ibn Zawlaq, sami'tu abal Hassan Ali ibn Abi Ja'far al-Tahawi, yaqul, sami'tu Abi yaqul, وذكر فضل أبي عبيد ابن حربوية وفقهه فقال كان يذاكرني بالمسائل فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به قال ما ظننتك إلا مقلدا فقلت له وهل يقلد إلا عصبي فقال لي أو غبي قال فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس. Donc ici il y a un bon exemple ici, c'est Ibn Zawlaq qui dit j'ai entendu Abu al-Hassan Ali Ibn Abi Ja'far Al-Tahawi. Donc Ali ibn Abi Ja'far al-Tahawi, c'est-à-dire le fils de l'imam al-Tahawi. Okay? Donc lui, Ibn Zawlaq, il dit, j'ai entendu le fils de l'imam al-Tahawi qui disait, j'ai entendu mon père dire, hein, et il a mentionné les mérites de Abu Ubaid ibn Harbouya, et sa compréhension dans le fiqh, et ainsi de suite. Et il dit, et il me mentionnait des sujets dans le madhab. Alors, un jour, il dit, je lui ai répondu sur un sujet. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ça, c'est pas la position d'Abu Hanifa. C'est-à-dire, l'imam al-Tahawi lui a répondu sur un sujet, mais il lui a pas répondu selon la position d'Abu Hanifa, alors qu'il est Hanafi. Alors, l'imam al-Tahawi a répondu, il a dit Ayyuha al-Qadi, oh toi le juge, hein, est-ce que tu penses que moi je vais dire tout ce que Abu Hanifa dit C'est-à-dire, je vais être d'accord avec toutes les positions d'Abu Hanifa. Et qu'est-ce qu'il a répondu l'autre? Yani Abu Ubaid, il a dit, je pensais que tu ne faisais que suivre aveuglément. Alors, à l'imam al-Tahawi, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'un fanatique qui suit aveuglément? C'est-à-dire, c'est ça, en voulant dire, quelqu'un suit aveuglément un savant, excepté un fanatique? C'est-à-dire, c'est seulement un fanatique qui suit un savant aveuglément. Donc, est-ce que tu penses que moi, je suis aveuglément? Alors, ça veut dire, comme si en voulant dire, moi, je ne suis pas un fanatique. Donc, il n'y a personne qui suit un savant aveuglément, excepté un fanatique. Et Abu Ubaid qui a rajouté, il a dit, ou sauf un fanatique. C'est-à-dire, il n'y a personne qui suit un savant aveuglément, sauf un fanatique. Et l'autre, il a répondu, Abu Ubaid, il a rajouté, ou un idiot. Hein? Ou Rabi, hein? Quelqu'un qui est stupide. Et il dit, cette parole, elle s'est propagée partout dans toute l'Égypte. Et c'est devenu même un proverbe. C'est devenu comme une sorte de chose que les gens y répètent. Hein? La yuqallid illa asabi ou rabi. Hein? Et les gens ont mémorisé cette parole-là, ils continuaient à le dire par la suite. Donc tout ça pour prouver que l'imam At-Tahawi, rahimahullah, il n'était pas dans le madhhab de Abu Hanifa par taqlid, mais par ijtihad. Et ça, c'est tiré de l'introduction du résumé de Aqidat al-Tahawiyyah, Muhaddab Sharh al-Aqidat al-Tahawiyyah, dans l'introduction. Toutes ces anecdotes que je viens de mentionner, je les ai tirées de ce livre-là. Ensuite, pour revenir au livre de Cheikh Wasiullah, on va conclure donc avec le dernier point. Le Cheikh, il dit: Wa naqul in al-mu'allafat wal-buhuth al-fiqhiyya قد اتجهت في بعض الأيام وجهة المناظرة. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours, inshallah, pour clarifier la suite des méfaits du fanatisme et du taqlid, inshallah. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته